Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous psycho. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du lien qui existe entre les souffrances vécues pendant l'enfance et les problèmes de santé développés à l'âge adulte. Au programme aujourd'hui, quels traumatismes sont concernés? De quelles maladies parlons-nous? Et enfin, pouvons-nous agir pour mieux prévenir ces maladies? Cyril Tarquinio, professeur de psychologie clinique et auteur du livre Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel est avec nous pour nous en parler. Professeur Tarquinio, bonjour. Bonjour, bonjour, merci de m'inviter pour cet échange. Merci à vous de nous faire le plaisir d'être ici parmi nous pour répondre à ces nombreuses questions et pour démarrer et mieux comprendre de quoi l'on parle, pouvez-vous nous expliquer, pardon, qu'est-ce qu'un traumatisme psychologique? Je dirais qu'un traumatisme psychologique, c'est... Alors, je crois qu'il faut distinguer trois choses à proprement parler. Il faut distinguer l'événement traumatique, c'est-à-dire ce qui va faire trauma, le processus traumatique, ce qui va conduire au troisième élément qui est le psychotraumatisme. Alors, qu'est-ce qu'un événement traumatique d'abord? Un événement traumatique, c'est un événement auquel chacun d'entre nous peut être confronté durant l'enfance, durant l'adolescence, mais aussi durant la vie adulte. Je pense par exemple aux agressions sexuelles, aux accidents, aux attentats, aux traumatismes de guerre. C'est malheureusement d'une grande actualité. Et ces événements, selon qu'ils sont ponctuels, ça arrive qu'une fois, selon qu'ils s'inscrivent dans la chronicité, quand je suis par exemple dans une famille violente, eh bien, on voit bien que je suis en tant qu'enfant, confronté à des événements négatifs qui vont généralement s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que la violence d'un père, la violence d'une mère, les mauvais traitements, le manque de considération, l'alcoolisme d'un père, les violences conjugales sont effectivement des événements où généralement, quand on est enfant, on y est confronté durant toute une période de vie. Donc, les événements traumatiques, ce sont des événements négatifs qui interviennent dans l'environnement psychologique des individus, bébés, enfants, adolescents, adultes, et qui mettent les personnes en situation de, je dirais, de déséquilibre, de bouleversement. C'est-à-dire que ce sont des événements qui viennent introduire une rupture, et ça, c'est très important, d'accord? Et qui vont, et j'en arrive à mon deuxième point, conduire à la mobilisation de processus. On ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des processus physiologiques, en termes d'hormones de stress, etc., cérébraux, psychologiques, affectifs, cognitifs, c'est-à-dire en termes de traitement de l'information. Et bien, tous ces mécanismes-là sont des réactions, c'est très important, des réactions que l'organisme mobilise face à l'événement qui est qualifié de traumatique dès lors que le sujet ne dispose pas des ressources pour s'y adapter. Voilà. D'accord. Avant cela, et on va parler d'incident critique en fait. En fait, le traumatisme, c'est ça qui est très important, il n'est pas dans l'événement. C'est-à-dire que on peut, chacun d'entre nous, être confronté à la menace avec une arme, par exemple. Pour moi qui n'ai pas l'habitude, eh bien, ça va me bouleverser, mais pour ceux qui vivent en Ukraine ou qui ont connu la guerre depuis en Afghanistan toute leur vie, voir une arme, ça fait partie du quotidien. Je vais prendre un autre exemple qui est particulièrement parlant. Savez-vous comment est-ce qu'on torturait les moines tibétains en Chine? En leur faisant manger de la viande? Ah, évidemment. Pour nous, manger de la viande, c'est commun. Mais pour eux, dans leur croyance, dans leur rapport au monde, manger de la viande, c'est comme si nous, on nous faisait manger des êtres humains. Donc on voit bien que le traumatisme, il n'est pas dans l'événement, il est dans la rencontre entre un individu, c'est-à-dire une histoire de vie, une histoire sociale, une histoire familiale, une culture, mais aussi des dimensions psychologiques qui font que certains événements vont prendre une texture toute particulière, et quand ils deviennent traumatiques, ces événements, alors ça conduit à ce qu'on appelle, et c'est le troisième élément, une réponse psychotraumatique. C'est-à-dire que on va manifester des symptômes en réaction à la confrontation, à ces événements. Je prends une autre métaphore. Quand je me cogne la tête contre le mur, le corps réagit, il y a un hématome. Voyez, mm-hmm. Donc, c'est la réponse de l'organisme au choc physique. Eh bien, la réponse de l'organisme au choc psychologique, elle va s'exprimer de différentes manières, dans une manière dont tout le monde a déjà entendu parler, qui est assez prototypique, qui est le trouble de stress post-traumatique, par exemple. Ça peut être des états dépressifs, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des symptômes douloureux, ça peut être tout un ensemble de réponses de l'organisme qui sont le signe que l'organisme n'a trouvé que ce seul moyen-là pour s'ajuster, pour répondre à la confrontation, à l'événement. Je prends toujours la même métaphore. Si je me cogne la tête et que j'ai un hématome, c'est normal. C'est une réponse adaptée de l'organisme et le sang va circuler d'une certaine manière, ça va changer de couleur. L'organisme s'adapte. Au fond, notre organisme est fait, depuis la nuit des temps, notre corps et notre cerveau n'ont qu'une seule mission. Ce n'est pas apprendre les mathématiques ou apprendre la géométrie ou l'histoire de France. Non, la mission de l'organisme et du cerveau, c'est s'adapter, survivre. Et donc, l'hématome, c'est une réponse adaptative pour auto-réparer l'organisme. Sauf que des fois, si c'est trop fort, trop violent, eh bien, il faut l'intervention d'un médecin pour aider à la réparation. On va peut-être faire un point de suture, on leur met de la pommade. On aide les processus d'auto-réparation pour éviter que ça laisse des séquelles. Et bien sûr, le plan psychique, c'est pareil. La mécanique, je dirais, elle est orientée vers l'adaptation. Tous les symptômes, ils sont là pour préparer le processus d'auto-réparation. Sauf que, parfois, si on n'aide pas les individus, comme le médecin vient aider le patient qui est blessé en mettant un point de suture pour favoriser la cicatrisation, et bien, la cicatrisation psychologique, cette fois, elle ne se fait pas. Et le souvenir, la marque, la cicatrice du traumatisme reste chronique. Donc, c'est très important de distinguer les événements qui peuvent devenir traumatiques, le processus, c'est-à-dire tous les mécanismes physiologiques, psychologiques, etc., qui sont mobilisés, et la réponse traumatique comparable à mon hématome, sauf qu'elle est psychologique. Et ça, c'est effectivement le symptôme psycho-traumatique. Merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur ce point-là qui est essentiel pour mieux comprendre la suite. Quels sont les principaux traumatismes de l'enfance ? Bien, disons que les enfants sont souvent, comment dire, ils sont prisonniers d'une certaine manière. C'est-à-dire que les enfants sont la plupart du temps dans des environnements familiaux, la plupart du temps, dont ils sont un petit peu, dont ils peuvent faire défaire, vous voyez. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand on est confronté à de la violence familiale, par exemple, qu'on est un enfant de quelques années ou un jeune adolescent, mais quelles sont les issues, vous voyez. Donc, ce qui caractérise le traumatisme à l'enfance, la plupart du temps, c'est sa récurrence, sa chronicisation, c'est ce que j'évoquais précédemment. Et quelles sont les formes de confrontation traumatique ? C'est souvent des violences familiales, mais pas seulement, on y reviendra. C'est-à-dire d'avoir des parents parfois sans s'en rendre compte, négligent les enfants, les insécurisent, les maltraitent. Sont occupés par leurs propres problèmes, sont eux-mêmes en passe d'être, je dirais, focalisés sur leurs propres souffrances. Et du coup, ils n'ont pas la ressource pour s'occuper de leurs enfants. Donc ça a l'air de rien, il n'y a pas de violence. Mais ouais. Vous avez des enfants qui sont là et qui, à un moment donné, intériorisent le fait qu'ils ne comptent pas. Intériorisent le fait que leur devenir n'a pas ou peu de valeur. Ils intériorisent le fait qu'ils ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire que tout ça, ça s'inscrit dans leur tête. C'est ce qu'on appelle les traumatismes du lien, en fait. Et lorsque ces problématiques-là sont sont présentes, on voit à quel point ça crée un climat d'insécurité. Ça crée chez ces enfants-là un rapport au monde où ils construisent une image d'eux-mêmes négative. Je ne vaux rien, je ne vaux pas grand-chose. Et surtout, ils ont une relation au monde qui est altérée. On ne peut pas faire confiance au monde. Comment faire confiance au monde lorsque mes parents ne m'ont pas aimé, ne m'ont pas considéré? Comment faire confiance à un amoureux, à une amoureuse, alors que ben voilà, ceux qui auraient dû me porter au nu, ben, n'ont pas été à la hauteur. Vous voyez, ça, c'est les traumatismes du lien. Mais après, les traumatismes du lien prennent d'autres formes, beaucoup plus aiguës, connues, je dirais. Par exemple, lorsqu'il y a des abus sexuels. D'ailleurs, il ne faudrait pas parler d'abus sexuels. L'abus, c'est quand on fait trop, l'abus d'alcool. On doit parler de violences sexuelles. Clairement, ouais. Des violences sexuelles dans la famille, des violences physiques, lorsqu'on est témoin de disputes, de choses variées qui insécurisent les enfants, et bien là, effectivement, ça rajoute une dimension supplémentaire qui est le sentiment d'insécurité et l'absence de contrôle sur l'environnement. Et ça, ça conduit souvent chez des enfants victimes, et surtout victimes de violences sexuelles, à une forme de traumatisme très particulier. On parle de trauma complexe, d'ailleurs, dans ces situations-là. C'est-à-dire, ça caractérise des enfants qui ont été confrontés à une récurrence d'événements traumatiques. Et là, le tableau clinique est vraiment très compliqué, à l'âge adulte ensuite, hein. C'est-à-dire qu'on a véritablement une altération de l'image de soi, une altération de la confiance aux autres, on a des conduites addictives, on a de l'automutilation parfois, on a, lorsqu'il y a eu des violences sexuelles, des troubles de la sexualité. Donc on a tout un ensemble on a des troubles dissociatifs. Donc on a tout un tableau clinique qui est éminemment compliqué et qui prendra du temps pour être traité ensuite à l'âge adulte. Donc on voit que les traumatismes de l'enfance sont des problématiques qu'on a trop longtemps sous-estimées, qu'on a trop longtemps regardées avec un œil psychanalytique qui n'a rien apporté, qui n'a rien permis d'éclairer. Et on se rend compte à quel point ces traumatismes de l'enfance vont avoir des conséquences sur la construction du sujet. Et souvent, ce sont des enfants qui très vite cessent d'être des enfants. Quand on commence à se préoccuper de comment va maman, de est-ce que papa sera bien quand il va rentrer, de il ne faut pas faire trop de bruit ou pas en rajouter, peur que ça explose. Il faut préserver papa ou maman parce que maman y boit ou maman elle est dépressive. Et ben ça y est, on a intériorisé les problèmes des adultes. On n'est plus un enfant. C'est pas le rôle de l'enfant, clairement. D'accord. Et effectivement, donc j'allais vous parler des conséquences. Quels signaux peuvent alerter justement de ces traumatismes? Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille quand on... Alors juste pour terminer, c'est que le drame, c'est que il y a d'autres environnements qui viennent rajouter des problèmes aux problèmes. Hein. Par exemple, le harcèlement scolaire, dont on parle peu ou trop peu. Oui, parce qu'on parle du cadre familial, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'éducation, les réseaux sociaux. Exactement. Je veux dire, il y a les réseaux sociaux, il y a l'environnement scolaire. Et regardez, c'est la double peine. Si je n'ai pas l'environnement familial qui est là, suffisamment sécure, fiable, pour m'écouter, pour me faire confiance, mais je suis livré, mais seul, face à l'épreuve de la vie, vous voyez ? Et c'est ça qui est terrible, c'est que les problèmes qui sont ceux qu'on peut rencontrer socialement, mais prennent une texture à ce moment-là qui devient terrifiante pour les enfants. Il n'y a plus personne sur lequel ils peuvent s'appuyer pour avancer. Hein. Et ça c'est un vrai problème. Alors, vous posez la question des conséquences, hein. Les conséquences, comme je l'évoquais, elles sont de deux niveaux, je dirais. D'abord, des conséquences psychologiques, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, on va avoir très tôt chez les enfants des comportements atypiques. On va avoir des enfants, d'ailleurs, qui ne sont plus des enfants. On voit bien qu'ils ne se comportent plus comme des enfants. Il n'y a plus d'insouciance. Ils intériorisent facilement la règle. Ils sont insécurisés. Et l'insécurisation, vous savez, elle prend deux formes. Soit c'est un retrait, c'est-à-dire que je me soumets, soit ça peut être sur des accès de colère. Les accès de colère, alors attention, ça dépend l'âge, hein, parce que jusqu'à 2-3 ans, les accès de colère sont liés à un manque de maturation cérébrale de certaines structures cérébrales qui sont là pour réguler les émotions. Oui, mais le cerveau n'est pas encore complètement... Voilà. Mais si les parents, durant cette période-là, ne jouent pas leur rôle de régulation, ces structures cérébrales-là ne se développent jamais. Oui, c'est très important. Et donc, vous avez des enfants et des adolescents qui sont dans l'incapacité à réguler leurs émotions. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Deuxième caractéristique, c'est la difficulté à rentrer en relation. Troisième caractéristique, ça va être des jeux répétitifs qui souvent vont répéter les scènes traumatiques. Quatrième caractéristique, ça va être une baisse des résultats scolaires. Cinquième caractéristique, ça peut être des comportements régressifs. Des enfants de 10, 11, 12 ans qui peuvent effectivement avoir des comportements régressifs, font pipi au lit, etc. etc. Vous voyez. Donc on peut avoir ça. On peut avoir ensuite des tocs, des tics qui peuvent apparaître. On peut avoir tout un ensemble de symptômes. Parfois, ça prend des formes terribles, hein, avec y compris des troubles anxieux massifs, des phobies scolaires, des troubles du comportement alimentaire. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le drame. Pourquoi? Parce que quand vous avez un enfant qui ne veut plus aller à l'école, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire « Ah, ben voilà, une phobie scolaire. » Ah, oui, mais on oublie tous les autres éléments du diagnostic. Quand vous avez un enfant ou une adolescente qui fait de l'anorexie ou de la boulimie, on dit « Ah, ben voilà, un trouble du comportement alimentaire. » Ah oui, mais on oublie tous les autres éléments autour. L'automutilation, les pensées suicidaires, les comportements à risque. Et du coup, on se focalise sur un symptôme et on oublie que ce symptôme... Et... Exactement. Ah. Et du coup, on est face à une prise en charge souvent partielle et partiale de ces enfants. Et on passe à côté de leur vécu, voyez, de leur vécu traumatique. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, ce sont les conséquences durant l'enfance et l'adolescence. Fin de l'adolescence, on va trouver souvent, bah c'est ce qu'on fait vous et moi, ce soir, on aura eu une longue journée, on est fatigué. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites et ce n'est pas ce que je fais non plus, et vous aurez compris. Et ce soir, on va rentrer et on va se dire « Ah, je boirai bien un bon verre de vin. » Et puis on en boira deux et puis ça va nous mettre dans un autre état, voyez, beaucoup plus jovial. Et bien voilà, pour apaiser le stress, et ben les gens vont trouver des substituts extérieurs, à défaut de les trouver à l'intérieur de soi ou de les trouver dans leur environnement, ils vont les trouver dans des conduites addictives. Donc on va voir apparaître des conduites addictives à la fin de l'adolescence et qui vont se poursuivre durant la vie adulte, des addictions alcooliques, de la cigarette, des troubles du comportement alimentaire qui sont considérés aujourd'hui, notamment pour les comportements boulimiques, comme des addictions. Et on va avoir ces leviers-là. En fait, c'est très adapté comme réponse. C'est ce qu'on trouve pour tenir le coup. Oui, sauf que, eh ben, on en paye le prix cher. Mais ça reste nocif. Et ça va s'additionner aux effets de cette histoire traumatique, qui est que on a toute une physiologie du stress qui va se mobiliser, qui va avoir des effets sur le système immunitaire, des effets sur la santé, et donc les effets des addictions, les effets de ce stress chronique vont conduire à de la maladie chronique. Quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, nous avions des loups de souris avec des cellules cancéreuses, nous avions deux loups de souris identiques et un premier lot de souris donc avec des cellules cancéreuses. Les deux loups de souris, les mêmes cancers. Bien. Premier lot de souris, je le mets de côté, je le laisse tranquille. Deuxième lot de souris, on les stressait, il y avait du bruit, des sons désagréables, ils étaient nombreuses souris par cage, stress maximum. Et on dosait les cellules cancéreuses avant l'expérimentation et après l'expérimentation. Après l'expérimentation, les souris qui avaient été stressées avaient multiplié par 4 le nombre de cellules cancéreuses. Pourquoi ? C'est pas le stress qui provoque le cancer, mais le stress chronique a un effet sur le système immunitaire qui devient alors moins efficient pour lutter contre les attaques pathogènes internes ou externes. Alors, on revient à notre histoire d'enfance, d'enfance où le traumatisme s'est chronicisé, où la physiologie est une physiologie du stress. Eh bien, vous avez un terrain propice, en plus des addictions, à la survenue de pathologies physiques, cette fois, que l'on va retrouver à l'âge adulte. Par exemple, les troubles cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, certaines pathologies de peau, certains troubles digestifs. Et on montre même que plus, et ça c'est très important, plus on a été confronté à ce qu'on appelle des événements adverses, c'est-à-dire des événements traumatiques ou qui génèrent des émotions négatives, ouais, et bien plus on a de problèmes de santé. C'est-à-dire qu'il y a une relation dose-effet. Et ça, c'est une découverte qui a été faite il y a quelques années. Et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que plus on est confronté à des événements difficiles, importants, moins on a eu de capacité de mobiliser des ressources pour s'y adapter, plus aux alentours de 50-60 ans, c'est là que ça commence généralement, eh bien, on va avoir des problèmes de santé majeurs. Consultation du médecin plus fréquente que les autres, hospitalisation plus fréquente que les autres, consommation de médicaments plus fréquente que les autres, temps d'hospitalisation plus important que les autres, multiplication du nombre de maladies chroniques, cardiaques, diabète, les MICI, etc., etc. Et on a des travaux, et c'est encore un peu ambigu, sur les risques de survenue des cancers. Et pompon, eh bien, ça c'est le premier pompon, j'en ai un deuxième. Premier pompon, c'est qu'on vit moins longtemps. Deuxième pompon, c'est que ces phénomènes ont des impacts sur le plan épigénétique et que ces impacts, voilà, et que ces impacts épigénétiques se transmettent jusqu'à 3 générations. En d'autres termes, les dysfonctionnements physiologiques impliqués par ces événements-là vont se répercuter et on va les retrouver chez les générations qui suivent. On a montré par exemple qu'on retrouvait sur 3 générations les conséquences, les traces épigénétiques des conséquences psycho-émotionnelles d'un viol. C'est des collègues suisses qui ont montré ça il y a quelques années. Et on a montré, par exemple, que les enfants et petits-enfants de déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ont retrouvé les mêmes altérations du fonctionnement de certains gènes qu'on l'avait retrouvé chez leurs grands-parents. C'est passionnant. En effet, enfin, que ce soit capable. On connaissait, hein, les conséquences psychologiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc, en plus de ça, ça a un impact sur le physique. Hein, vous l'avez expliqué par le stress. Je crois aussi qu'on parle du cortisol qui, justement, joue un rôle important. Et voilà, la transmission de génération en génération, c'est vraiment particulièrement intéressant. Les maladies, du coup, donc vous en parlez, donc c'est plutôt tout ce qui est diabète, donc peut-être effectivement les cancers, hein, vous expliquez avec cette... Oui, ça c'est encore pas clair parce que la survenue de la maladie est multidéterminée, mais c'est une composante à prendre en charge. Mais une des sociétés savantes qui a le plus intégré ce paramètre-là, c'est vraiment les sociétés de cardiologie, qui ont vraiment intégré dans l'explication des survenues des pathologies cardiaques le fait qu'il fallait tenir compte de l'histoire de vie et en particulier de l'histoire traumatique. On a vu que le traumatisme, hein, c'était pas forcément des gros événements. Hein. Oui. C'est comment chacun vit plus ou moins difficilement certains rapports aux choses. Et comment... La répétition. Exactement. Et la répétition, ça c'est le mot-clé, quoi. Ouais. D'accord. Alors, donc, vous l'avez dit, certaines maladies ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne tombent peut-être pas du ciel, comme vous l'expliquez. Elles sont le signe que quelque chose ne va pas dans notre mental. Maintenant, la question, peut-on prévenir, peut-on mieux agir, par exemple, en tant qu'individu, est-il possible de mieux prévenir ce type de maladie? Et si oui, comment? Est-ce qu'une psychothérapie, par exemple, quand on ne va pas bien, peut venir contrebalancer un petit peu ce diagnostic? Alors, il y a 3 niveaux de réponse, en fait, dans ce que je peux vous dire. Premier niveau, tout le monde ne tombe pas malade. Bonne nouvelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, même dans les pires des situations, les individus sont très inégaux. Certains vont être capables de trouver des ressources pour s'adapter, des ressources pour survivre, et ils vont puiser ça à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation, des stratégies de coping. Il y a un autre terme qui est très banalisé, c'est la résilience. Hein, c'est-à-dire, au fond, c'est comment, dans l'adversité, les individus sont capables d'aller puiser des ressources inattendues et qui les révèlent dans l'épreuve. Voyez. Et ça, c'est un élément important. Alors, quand on est enfant, un des leviers de la résilience, c'est d'avoir dans son environnement des tuteurs de résilience, c'est-à-dire c'est l'entraîneur, c'est l'éducateur, c'est le voisin, qui, au fond, lui, alors que tout est sombre, que la nuit s'est abattue sur notre vie, mais il est comme une lumière dans la nuit et sur notre route, quoi. Et il nous renvoie quelque chose qui est « mais oui, t'es bon au foot, t'es bon au karaté, t'es performant ». C'est-à-dire qu'il ne s'en rend même pas compte, l'éducateur, ouais. L'entraîneur, le prof. Il a joué un rôle important. Mais en fait, il nous met en mode de survivance, quoi. Voyez, parce que il nous renvoie sans s'en rendre compte le fait qu'on est vivant, qu'on vaut la peine, et ça, c'est une ressource majeure. Ça, c'est important. Deuxième aspect, je me suis rendu compte par mes travaux, mais aussi par les gens que j'avais en consultation, à quel point, alors c'est paradoxal ce que je vais dire, ces patients-là, lorsqu'ils ont la chance de trouver un être qui les aime de façon sereine, saine, sécure, eh bien, comment ça peut avoir un effet réparateur? Comment ça peut les conduire à réinventer quelque chose d'eux-mêmes? Alors, je dis c'est paradoxal parce que j'expliquais tout à l'heure que justement, une des caractéristiques de ces traumas-là, c'est les traumas du lien. Ouais. Et effectivement, souvent, on a du mal à faire confiance, à retrouver de la sécurité, à ne pas avoir peur d'être abandonné. Et quand on a la chance de trouver quelqu'un qui est plutôt bien cortiqué, qui sait nous aimer, alors on voit à quel point l'amour, ça peut réparer. Ça peut vraiment panser les plaies. Vraiment, comme une psychothérapie. Et ça, c'est une dimension qu'on oublie souvent. Et troisième aspect, effectivement, ce sont les psychothérapies. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans notre univers disciplinaire de nouvelles formes de psychothérapie comme la pleine conscience, la thérapie EMDR, les TCC ou l'hypnose, qui sont des thérapies qui réparent. Alors moi, il se trouve qu'ici, à l'Université de Lorraine, à Metz, j'ai beaucoup développé, grâce à la collaboration avec David Savant-Schreiber, avec lequel on a travaillé durant les dernières années de sa vie. On a beaucoup développé la thérapie EMDR et on est devenu des spécialistes. Les autres thérapies aussi m'intéressent, hein, j'ai pas de problème, y compris l'activité physique, d'accord, hein, on travaille beaucoup là-dessus. On a des programmes de recherche très très importants qui montrent que l'activité physique a des effets réparateurs, hein, ça c'est indéniable. Et donc on montre à quel point toutes ces prises en charge, tous ces accompagnements, la sophrologie, peu importe, mais on peut réparer. C'est-à-dire, on n'est pas juste là pour soulager, on peut réparer. C'est important, il faut dire. Voilà, exactement, aux personnes qui sont en souffrance, qu'il ne faut pas hésiter justement à chercher un accompagnement qui colore bien leur personnalité, à leur envie. Exactement. Sauf qu'il faut éviter ce qui ne répare pas. Et ce qui ne répare pas, ce sont des thérapies uniquement verbales. Comme je dis à mes étudiants, c'est tous les matins, ça fait du bien, mais tous les matins, on recommence. Et c'est ça, c'est comme les thérapies verbales, ça fait du bien, je veux dire, on ventile ses émotions, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas curatif. Il faut aller vers des psychothérapies qui s'inscrivent dans une démarche curative. Les TCC, le MDR, l'hypnose, la pleine conscience montrent scientifiquement et cliniquement qu'elles réparent, elles guérissent. Et les patients aujourd'hui doivent... Oui. Une reprogrammation un peu, hein, c'est ça, du cerveau pour les personnes qui sont... C'est-à-dire que c'est même plus qu'une reprogrammation, ça contribue à potentialiser les forces réparatrices de notre cerveau et de notre organisme. Et ça, aujourd'hui, il faut l'exiger chez le thérapeute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer des années à raconter sa vie sans qu'il n'y ait pas d'effet. Il faut aujourd'hui être sélectif. Il faut aujourd'hui demander de la compétence parce que on se doit aujourd'hui de mettre à la disposition des citoyens des techniques qui marchent et on en a. Merci beaucoup pour ces précisions. Et c'est vrai, voilà, il ne faut pas hésiter justement. Donc, je me permettais d'inciter parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore sensibilisées justement à ces thématiques comme le MDR. Et pourtant, voilà, ce sont des thérapies qui fonctionnent très, très bien. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. On parlait donc de prévenir ou en tous les cas de mieux agir. Le corps médical, justement, c'est vrai que quand on va voir le médecin, il ne nous demande pas forcément tout notre passif, tout notre vécu pendant l'enfance, parce que là aussi, il n'y a pas une petite marge d'amélioration dans la prise en charge des patients. C'est vrai. C'est vrai que longtemps, la médecine était un petit peu fermée sur elle-même. Moi, je trouve que les copains médecins s'ouvrent. Moi, je suis dans un laboratoire qui est en santé publique, donc je travaille quasiment qu'avec des médecins. Il y a une vraie ouverture. Et au fond, il faut les sensibiliser. Et ils demandent que ça, je crois. Je veux dire, être sensibilisé à ces choses-là. Aujourd'hui, on est en pénurie, hein, c'est ça quand même le drame. Et du coup, les médecins sont tellement dans l'urgence qu'ils ne prennent pas le temps de prendre en compte toutes les caractéristiques des sujets. Alors, c'est simple. Il ne faut pas attendre sur le médecin. Il faut en prendre en charge soi-même sa santé, en y intégrant le côté médical, mais en y intégrant aussi la dimension psychologique. Et je crois qu'il est temps, pour chacun d'entre nous, les connaissances sont à disposition, eh bien, de faire son marché et de mettre un peu de complexité dans le regard qu'on porte sur sa santé et d'être capable de se dire qu'au fond, nous ne sommes pas faits que de chair et d'os et qu'il y a aussi de la charge émotionnelle, du psychologique, et que faire l'économie de cette dimension-là, c'est comme si on s'amputait d'une partie de soi-même, et là, chacun, d'une certaine manière, a à réfléchir sur ce qu'est sa santé et comment il l'envisage. Exactement, donc n'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur toutes ces techniques. Enfin, le dernier petit point, comme on parlait de l'enfance, pour les parents, donc on le rappelle, c'est quand même le métier le plus difficile du monde. Est-ce que vous avez un conseil? Parce que par exemple, on sait que le parent parfait, c'est encore pire, c'est ça, pour l'enfant, c'est-à-dire... Le parent parfait, c'est le pire, parce qu'en fait, il essaye de prévenir tous les besoins de l'enfant, et donc l'enfant parfait, le jour où il mettra le pied en dehors de la maison, il va mourir, parce qu'il n'aura même pas stimulé son système immunitaire. Donc, je crois que l'imperfection est une condition de la réussite éducative. C'est dans l'imperfection que nos enfants développent leur capacité d'adaptation. Après, il faut être vigilant. Moi, j'ai eu 3 enfants, ils sont grands. J'étais très heureux parce qu'ils ont fait une psychothérapie, ce qui a permis pour eux de questionner, de faire quelque chose, des erreurs que j'ai pu faire, que ma femme a pu faire. Je crois qu'il faut l'admettre, mais en même temps, il faut être attentif, observateur, être capable effectivement de se remettre en question, être capable parfois d'aller en famille consulter, voilà, d'essayer de parfiler d'une certaine manière les valises qu'on a héritées à ses enfants. Je crois que c'est déjà ça. Et pour ce faire, c'est se questionner soi-même déjà en tant que parent. Et je pense que si on se questionne soi-même en tant que personne, eh bien, on a des chances d'être un parent acceptable. À l'inverse, si on a du mal à se questionner en tant que personne, le risque, c'est de refiler les valises à ses enfants et de leur demander, au fond, à eux, de traiter et de porter ce qui, au fond, relève de notre propre charge et qu'on n'a pas eu le courage, la possibilité ou la volonté, eh bien, de traiter et de réparer. Merci, professeur, pour tout cet éclairage sur ce sujet passionnant. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je rappelle donc le titre de votre livre, « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel » aux éditions du Nod. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Et en fait, j'ai écrit beaucoup de livres, mais qui étaient des livres universitaires, et mon éditeur m'a dit qu'il était temps peut-être de m'essayer à une littérature un peu plus grand public. Donc, c'est un livre que j'ai écrit assez rapidement. Et au fond, j'ai essayé de mettre d'abord tout mon cœur dans l'écriture de ce livre. Ça se ressent. Oui, j'ai raconté des choses de moi, et j'ai essayé vraiment de faire partager mes modestes connaissances de chercheurs et de psychologues cliniciens, en essayant d'expliquer simplement parfois des choses compliquées. Et j'ai la petite ambition de croire que j'y ai réussi, parce que je crois qu'il est il plaît bien, ce livre. Je raconte la science comme je viens de le faire, en donnant des éléments qui nous permettent de mieux comprendre qui on est, d'où on vient, vers où on va, comment on peut s'aider soi-même, comment on peut aider nos enfants. Et je pense que ces éléments-là apportent un éclairage sur la vie, sur les difficultés de la vie. Et je dirais que c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Voilà. Je confirme. Merci beaucoup. Bien sûr, pour retrouver le livre, le commander, on vous remet toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Professeur Tarquinio, un grand merci. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.